pluie sur les toits, c'est la musica, le son de ta voix, c'est la musica. Le soleil d'un nouveau jour, et c'est ta voix qui chante à mon oreille. Dès que je m'éveille, des mots, des merveilles sur un lit d'amour. Un signe de toi, musica, tu reviens vers moi, c'est la musica. La musica, c'est le vent et c'est l'orage en été. La musica, c'est un simple bruit. Chante à mon oreille.